vois que les bons côtés. Pas les erreurs que j'ai dû faire. J'ai dû mettre la vente de côté. Pour pas dire Moussa a pris du fer. Dans marqué du sport comme un 31 mai. Des fois des questions j'en ai 21 mai. Ils me disaient t'allais fumer, je leur disais jamais. Ils me disaient t'allais flancher, je leur disais la même. Hein, la grand-mère à Charlemagne. Y'a qu'au fait que je t'ai vu parler mal. Je rentrais, y'avait un gueuche pour bavarder man. Mais je souris comme un attard des gars. Ce soir je vais pas tarder les gars. Je veux bombarder, j'ai mis les gaz. Sont à fond, j'entends que les basses. Bisous à ceux qui m'écoutent. Je te pisse dessus, tu me dégoûtes. J'ai besoin d'air, on s'étouffe. J'ai pas one, mais je me débrouille. Comme Zinedine là, j'ai dérapé. Chéri Paye, merci pour le RAP. À part les habits, on a RAV. Gang, gang, gang, gang, gang. J'crois en moi depuis le départ. J't'ai boule quand ils s'attendaient pas. J'aimerais dire à mes sœurs, vous inquiétez pas. J'me souviens qu'ils nous aidaient pas. Laissez-moi deux ans, j'les dépasse. Je sais pas faire chanter les tasses. J'sais que distribuer les passes. Vais tout prendre personne pour les pas. J'suis comme cœur des inquiétants. J'fais le faux zen dans l'habitat. Et ma santé des fois c'est bizarre. Mon pédo c'est petit dans le blizzard. J'suis comme cœur des inquiétants. J'fais le faux zen dans l'habitat. Et ma santé des fois c'est bizarre. Mon pédo c'est petit dans le blizzard. C'est toujours la même. Je les ai vus sur le trottoir. C'était aspé sur ma mère. Regarde-moi, j'ai la haine, le regard il est vide. J'dis après si je suis bon qu'à niquer ma vie. Il m'attrape en barrage, j'ai paniqué mes vis. J'crois en moi depuis le départ. J't'ai boule quand ils s'attendaient pas. J'aimerais dire à mes sœurs, vous inquiétez pas. J'me souviens qu'ils nous aidaient pas. Laissez-moi deux ans, je les dépasse. Je sais pas faire chanter les tasses. J'ai que distribuer les passes. Fais tout prendre personne pour les pas. J'suis comme cœur des inquiétants. J'fais le frozen dans l'habitat. Et ma santé des fois c'est bizarre. Mon pédo c'est pris dans le blizzard. J'suis comme cœur des inquiétants. J'fais le frozen dans l'habitat. Et ma santé des fois c'est bizarre. Mon pédo c'est pris dans le blizzard.